L'Antichambre 105.9 Radio Les Bords et The Groove Factory, l'une des 8 web radios des Les Bords. Bonsoir Oncle Ben. Bonsoir Albert. Comment vas-tu pour ce retour sur les ondes? Ça va très bien, avec la chaleur, c'est parfait. C'est parfait. Donc au programme de l'émission, pour ma part j'attaquerai avec une petite sélection, un mix de nouveautés hip-hop, en tout cas de choses assez récentes, mêlées avec 2-3 petits titres un peu funky, en tout cas il va y avoir du bon son. Très bien, et puis moi je vous avais teasé lors de la dernière émission ce que j'allais jouer. Donc on va partir au Japon, mais alors pour cette première partie, parce que je vais faire plusieurs parties, parce que c'était assez long, là on va partir dans les années 80 avec des musiques de dessins animés japonais qui sont assez connues en Europe et surtout en France. Pour les trentenaires et quarantenaires. Tu nous fais un blind test, c'est ça? On va pas jouer les génériques, mais voilà, donc ça a des sonorités très jazz funk, voire disco, vous allez voir ça. Tout ça joué par des musiciens japonais. Bien sûr, musiciens japonais, puis grands compositeurs japonais. Donc c'est la petite surprise, la petite recherche thématique de l'oncle Ben, ça fait un moment qu'il l'annonce, et ça y est, c'est parti pour clôturer la saison, je pense. Tout à fait. Et ben moi je vais m'installer aux platines. On va commencer avec notamment le producteur et DJ grec Mr. T, qui nous a sorti en tout début d'année un album qui s'appelle Return of the Classic, et qui est, c'est des morceaux instrumentaux très hip-hop et très funk. Et ben très bien, donc je te laisse rejoindre les platines et puis rester donc sur la fréquence 105.9 sur Radio et les Bords. To the beat. that time to make it. That's outside the maker. Never been the kind of baby, not that kind of player. And I represent the struggle, yeah, bet and hustle. Had some regrets, now I'm up next. I'm ready to flex the muscle. Been down for a minute now, ready to win a round. And I don't kid around like a pedophile. Been in the game so long, I'm a veteran. Watching these rookies developing like medicine. Soon as they let them in, the MVP. That's the idea of trap rap that set me free. Let me be me, with all my shortcomings. Used to play the handball court fronting to torch something. Nowadays I just hold it down dolo. Used to get around the clown with out of town homies. Trying to be all up in the Kool-Aid mix. Internet taught me quit, June, don't you say shit. Let them cowards run their mouth like they supposed to do. The chosen few, mad they ain't close to you. I'm trying to be the person Carr talks to for advice. Because I cop the pie, mean I give y'all a slice. Yeah, it's my time to make it. Steps outside Jamaica. Never been the kind to fake it. Not that kind of player. And I represent the struggle. Just to get bet and hustle. Had some regrets, now I'm up next. I'm ready to flex the muscle. Used to take a deuce, deuce to the face. Weight had me like Bruce, Bruce in the waist. Losing the race, had to scrape without a farmer's tool. Wait, what? I shaped up like barber school. With the rhymes, I apply the same jumper cable. Rock the crowd as I pound on the luncheon table. In the high school staircase, we share space. One line to leave my peers with the weird face. Call my cousin, knew I was on the something. All of a sudden, I'm buzzing. The brother just started fronting the hand. Did my own thing like Martin Luther. Cause the whole planet bugged like Starship Troopers. Lost so-called friends that I thought were real. I'm better off, less hands on the fortune wheel. Steal the hot pursuit like pasta loose. Give it all I got, what I got to lose. It's a new crew in town, and brothers gonna work it out. Beats and rhymes, what we all about. But, here, let them know, Sue. Sonically, I think the world is waiting for something different. What they need, Sue? Something potent. Something sound side. Nah, they go for shot for the sound side crew. Lyrically, brother, I done found my groove. The crew's marvelous, no dispute or argument. You belong in the bargain, Ben, they found Ja Rule. I'm that golden Everest, rhyme a kamikaze. The click's thicker than the eyebrows of Ronald Osley. No six figures, but the fly gals wanna mob me. Rip it every time my microphone's by me. They wonder how the flow's crazy, cause I'm 80s groomed. When I write lines on the paper, they like razor wounds. What can you rhyme about? Nigga, you went to timeout growing up. When I showed out, my mama raised the groom. It's Super U, George, Odyssey, and Oxon. Freeloaders notice I drive and yell shotgun. Hit a verse quicker than Wiz Khalifa could twist a reefer. A misdemeanor every time my voice hits the speaker. Somebody better tell them it's the Soundside Squad. That's who we are. You are now witnessing the changing of the guards. A shift in the culture, we back on that raw. Somebody better tell them it's the Soundside Squad. That's who we are. You are now witnessing the changing of the guards. A shift in the culture, we back on that raw. Deep in the malvibrations, cultured for many nations. So heavy on the scale, throwing off your calibration. I started prepping at 7. You, George, I forged my weapon. Changing up the guards with the same lessons. Descended from the heavens. Angelic beings, keep a mic tucked under the wings. We fly the most, post that, quote that verse. Started from a tote that verse, the crowd's berserk. It's Osiris, throwing Zeus off from Mount Olympus. Keep your bling and your trinkets, I have no interest. But I'm a materialist, my material is vintage imperial with just a shot of Pincus. Destined, clan ran with the best of them fans know. We rock from Afro to Anglo. Sit back in the crib and watch my little man grow. Crews run up and we be like, and so what? Somebody better tell them it's the Soundside Squad. That's who we are. You are now witnessing the changing of the guards. A shift in the culture, we back on that raw. Somebody better tell them it's the Soundside Squad. That's who we are. You are now witnessing the changing of the guards. A shift in the culture, we back on that raw. Mama, Kumar Oz, the ball with the bars. Your organization ain't effing with ours. Or get moved on to shit, my group's on. Bash a woodblock like Alphonse Mouzon. The quotable goat, high potent notable notes. My mind flows colder than most. Let the sound side militia show you how to do things. Crew goes hard like Wu-Tang. We like grape juice stains, nigga. We ain't trying to go nowhere. Pre-treat, guess what? Biatch, we still there. Everett, my flow clever and benevolent. Skeptics are shat on. Treat it with a reverence. 20 plus years under the belt. Ace is a doubt. Legendary like the Roosevelt. No question, but if it was, here's the answer. Feed until I'm receding like George Costanza. Somebody better tell them it's the Soundside Squad. That's who we are. You are are now witnessing the changing of the guards. A shift in the culture, we back on that raw. Somebody better tell them it's the Southside Squad. That's who we are. You are now witnessing the changing of the guards. A shift in the culture, we back on that raw. ISN rocks longer than Evelyn. Can't feel it cause you know I'm from the sedative. Assembling his mental to perfection, you bet he is. Already here, bring the knowledge to the front and center. Mind bender burn slow as the blunt's ember. Serpent behead of words ever, always on point. Knock it out the park, rolling fast as a long joint. The guard's voice travel through the light faster. The mic master, message saving them from disaster. Light skin and I'm conscious from Nebraska. Like Malcolm, bow to the power we all after. Until the rapture, capture every moment. Holding on to what's golden and knowing that my soul owns it. Workflow paving the road, remain focused. Write bars up with the stars till my brain's broken. That's still, beat the world, these rhymes still. Truth revealed, still killing it for real. At all when I sharpen the scale. Kicking slick raps over boom bap, how you feel? That's ill, beat the world, these rhymes still. Truth revealed, still killing it for real. At all when I sharpen the scale. Kicking slick raps over boom bap, how you feel? That still premiere the raw essence. Manifested into my craft, keep the blessings. Audio sketching, paint a portrait of the culture. Words like a mirror too thorough for the vultures. Heart solo, watch it shine as I drop a rhyme. I just gotta kick it for the passion, man, it's all the time. Draw the line from the played out artificial. Bars is jitsu, I'll flip you if I spar against you. All point like a target missile. Sharpen every part of the art so the dark will stick you. This is ritual sending a strong signal. Elevate your mind, I intend to. Stacking up credentials. Reminisce on what I've been through. My troubled past, licking blunt ash, feeling vengeful. Yet I evolve, transcend to the highest peak. Still spitting over breaks with the flyest ass. That's still, peep the world, these rhymes still. Truth prevails, still killing it for real. At all when I sharpen the scale. Kicking slick raps over boom bap, how you feel? That's ill, beat the world, these rhymes still. Truth prevails, still killing it for real. At all when I sharpen the scale. Kicking slick raps over boom bap, how you feel? I'm anti- mighty famous. Just name, no drop these poems. Hold on, my grown flow, added magical tone. Scrape the sky heights, blow Brom to SA's coastal. Purchase on the Queen's Head, worldwide postal. Peak over beats like Kilimanjaro, tabletop mountain. South facing, a stand pounding the underground. And I'm life's fountain, pronouncing critique beats. Across streets, dirty sidewalks, meat beef. A love light though, bringing in bundles. Coarse crystalline, empirical sun. I'm on your run for cover. Another brother upon street. When the real enemy on the sheets are policy paper. The vapor second to none. The stench of guns, relentless ones. They kill for fun. Something fun. We ain't done. We're bitten to start. Spark the legible heart darts. We pull up and park. Fully presentable. Chris cut architectural denim assorts. Eyes covered in glass. Brims covered the floors worldwide. International spot rocker. The world turns universal. Blew up mad spot. Yeah, the world's bigger than the city block. Cross the map. International spot rocker. The world turns universal. Worldwide. Invisible from iniquity. Steve Biko say black is beautiful enemy. The remedy. Sport force flammable. To the upper stratosphere, as the take is a fable. I fiber up down your cables, a billet naval seal. Fiends been hungry to play me, yet they villains. I'm old school, you fake dudes. Flows take you back to the future funk. I bump trunks in space modules. Street, ready a classic in 20 minutes. Sunk you like the curse while you're flirting with death. You perverts, heat sick. MCs in the crosshairs, killer beast sting. Love that Wu-Tang spank ting. I'm something of a slum king. Bumping my man, ripping beat breaks. My lyrics iced out, end up on a cake. Take a second look of greatness, me and critique beats. Soon to critical peak, to blast beat, freshest air around the mountain peak. Bleep persona, signature off rocks in the deep, we're worldwide. International spot rocker. The world turns universal. Blew up mad spot. Yeah, the world's bigger than the city block. Worldwide. International spot rocker. The world turns universal. Blew up mad spot. Yeah, the world's bigger than the city block. Sinatra, DJ Alex Rocks, what's good? Having a hand basket, tales of a man's fragment. Shattered the fuse, back together is damn tragic. Last with weather till we bask in the sun's passion. Left with my seeds, mastering degrees of action. Watch how we build on this tilted axis. Life's surreal, I'm surprised mine's still intact. When all of the madness taking part when change happens, I see my mother's eyes as I'm writing this. Feeling so divine, trying to shine though the night exists like the fifth time after time, trying to find a rift. Consequences in your blindness, surviving this. Right script, apocalypse aligned. But my new chips lost within the signs. Rabbit hole, climate occupant. Arrive at the riot, hunter gatherer, drop a stick. I wonder why they wanna try me when the mind is quick. I'm energized by this, a plot that is alive. Feeling my strength multiply. The power and desire to thrive. It's in my eyes, sparks fly. Watch the wheels grind. That's all the time. Passion in every rhyme. How I'm defined. Feeling my strength multiply. The power and desire to thrive. It's in my eyes, sparks fly. Watch the wheels grind. That's all the time. Passion in every rhyme. How I'm defined. Feel the dedication. Never complacent. Forever racing against my own limitations. Aim is record breaking. Never changing the format. But might upgrade the mold for the forecast. Just to see if I'm a glow and I'm supposed to believe it in the mind. Heart shrine, only soulful tones. Flows from dome, designed for the whole group. I can make waves from my brain when I approach you. Like I'm known through the energies I act in. Give you something elemental, never plastic. Know the stress, make perception seem drastic. I dream weed through negative traffic, go grasping. The road's packed, I'm pushing to break passing. Like exiting the womb or tomb, the next passage. It's all graphic, illustrious cold. Bless the beat till it's touching the globe. Now let's go. Feeling my strength multiply. The power and desire to thrive. It's in my eyes, sparks fly. Watch the wheels grind. That's all the time. Passion in every rhyme I redefine. Feeling my strength multiply. The power and desire to thrive. It's in my eyes, sparks fly. Watch the wheels grind. That's all the time. Passion in every rhyme I redefine. We'll be right back. time. Yes, sir. We taking it across the pond today. The Jurassic way. Yeah, ain't no time to stand by. Get ready to dance and throw your hands high. Lose your inhibition and open your mind's eye. Get ready to dance and throw your hands high. I said throw your hands high. Keep the body moving and throw your hands high. Use your inhibition and open your mind high. Get ready to dance and throw your hands. I melt peasants when I bring this bizarre style. Well measured as a king when my bars growl. Stealth presence like the wings of a barn owl. On top of the yard pile with entertaining large crowds. At last the verbal hermit monster's massive. You're done if your response is passive. Back by the miraculous Jurassic in classic fashion. But when solo I'm a verbal assassin. And I'm asking you, yeah. Ain't no time to stand by. Get ready to dance and throw your hands high. Use your inhibition and open your mind's eye. Get ready to dance and throw your hands high. I said throw your hands high. Keep the party moving and throw your hands high. Use your inhibition and open your mind high. Get ready to dance and throw your hands high. Vibrantly floating, some openly misinterpret me. But hip-hop certainly overrode my circuitry. Perfectly circled me, turned me into a worker bee. Gave me a certain urgency to eternally burn and seize. Listen, no remorbid plan. I'm bored by the smokers bored of adoring fans. Not scared to explore that love for this boring man. Sometimes I feel more at home in a boring land. Yeah. I move like an apparition, on a rapid, rapid mission, bring it back tradition. Sit back and listen, lessons bless you from every direction. Every connection left a heavy impression, I'm destined to make your playlist glamorous. Amateur assailant, this place can't damage us. While big brothers watching through surveillance cameras. The fire come from me and my man, crafty guts, guess what? Ain't no time to stand by, get ready to dance and throw your hands high. Lose your inhibition and open your mind's eye. Get ready to dance and throw your hands high. I said throw your hands high. Keep the body moving and throw your hands high. Use your inhibition and open your mind high. Get ready to dance and throw your hands. Crafty cuts, won't you drop it one time? This is Charlie Tuna. Monsieur Charlie Tuna. Charlie Tuna avec Crafty Cuts pour se mettre en jambe pour ce début d'émission. Voilà, donc une petite sélection avec une petite note, note funky. En fait, j'ai mixé quelques morceaux hip-hop sortis ces derniers temps et entrecoupé en fait de morceaux de Mr. T, donc tous les morceaux instrumentaux dans la sélection. Donc c'était signé du producteur grec Mr. T, un des éminents artistes signés sur le label californien Cold Busted. Qui est spécialisé surtout dans les morceaux souvent instrumentaux, parfois dub, parfois trip-hop, mais en tout cas un label très très productif qu'on vous recommande d'écouter, de découvrir, de surveiller. Ça s'appelle Cold Busted. On va peut-être pas forcément débriefer tous les morceaux, mais il y a un artiste qui est également revenu souvent dans la session. Il est revenu à l'occasion de 4 titres. C'est le DJ et producteur anglais Alex Rox, qui a sorti tout récemment un bon petit album qui s'appelle Rise and Shine, qui est sorti sur le label madrilène Love Monk Spain. Un bon produit, tant par l'esthétique que par le contenu. Donc Alex Rox assure les productions qui sont très caractéristiques parce que la notion de rythmique est très importante, les charlets sont assez forts, ça fait un peu parfois penser à People Under the Stairs, je trouve, voire au Sound Provider, enfin voilà, c'est en allant chercher un petit peu à extrapoler. Mais en tout cas, il a un fidèle partenaire sur cet album qui revient sur quasiment la moitié des titres, c'est Sleep Sinatra, que moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps quand il a collaboré avec Jazz Pastix. Tout à fait. Et je crois qu'il a d'autres projets en cours avec eux d'ailleurs. Mm-hmm. Mais on retrouve également Jack Jones, aka Odyssey. Et puis également Jessica Fitoussi, la chanteuse française, je crois, qu'on avait découvert aux côtés de Mr. Modo and Ugly McBear. Donc qui signe un morceau exactement dans le même type que ce qu'elle a fait auparavant. Et puis on trouve également John Classic. Voilà, donc Alex Rock's Rise and Shine sur le label Love Monk. C'est une nouveauté signée L'Antichambre. Ensuite, là-dedans, on avait 3.45. On avait un morceau, un 45 qui est sorti en fin d'année dernière. C'était Superstition en featuring avec Soon Sai. Donc, pour le morceau Changing of the Gods en featuring avec Soon Sai. Et puis, les deux autres titres, c'était vraiment des nouveautés. Y en a un qui nous vient du label IBMCS. Un label qui sort des titres hip-hop, qui promeut la culture hip-hop, et qui a sorti récemment une petite série de 45, donc ça c'était le troisième de la série, sur lequel on retrouve notamment, et c'est le titre qu'on a écouté, Quartz Crystallus avec le morceau World Ride, remixé par le DJ et producteur belge Grâce Opa. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, le tout dernier morceau, c'est du Chalituna des Jurassic 5, comme on l'aime, sur un titre super punchy, super funky. C'est le morceau Hands High, avec le producteur britannique, je crois, Crafty Cuts. Oui, et puis Crafty Cuts, il fait pas que du hip-hop, hein. Je pense qu'il a vraiment, il est assez large, son spectre est assez large. Ouais, c'est clair, il est même plus funky break, breakbeat que... Même house techno, oui, voilà. Parce qu'il a l'air de tourner beaucoup avec ça, hein. C'est assez électronique en tout cas, le grain de Crafty Cuts, mais en tout cas ce morceau est vraiment excellent, vraiment festif. Et la pochette envoie du lourd. La pochette également, et c'est signé de l'excellent label dont on parle régulièrement dans l'antichambre, Dinked Records. Très bien. Voilà pour ma part, j'ai assuré le boulot de la première partie d'émission. Maintenant je vais me caler dans un fauteuil et je vais écouter ta petite surprise. Donc voilà, donc on va partir, donc aller le plus vieux, on va dire, en date de production, c'est 1978. Mais en France, on l'a connu, nous, au début des années 80, c'est qui était né, par exemple. Donc on va partir sur trois thèmes de dessins animés. Donc on va avoir Ulysse 31. On va avoir Captain Flamme, qui s'appelait donc au Japon Captain Future, et Cobra. Voilà. Et donc c'est pour se pencher donc sur le travail de, on va dire, quatre musiciens. Donc pour Ulysse 31, c'est deux Américains qui s'appellent Denny Crockett et Ike Egan. Et puis pour le côté japonais, nous avons Yuji Ono, qui est très très connu parce qu'il a travaillé sur énormément de BO d'autres dessins animés, dont certains dont je parlerai dans les prochains, qui s'appelle Lupin, donc Lupin the Third. Donc il a travaillé quasiment souvent sur tous les épisodes. Et puis le troisième larron, on va dire, c'est Kentaro Haneda, donc qui a travaillé sur la BO de Cobra. Et donc voilà, donc vous allez découvrir quelques titres, des ambiances donc très jazzy, ça fait très musique de film aussi, très disco, ça peut paraître très kitsch sur certains morceaux, mais bon, il y a un groove, il y a quelque chose, donc j'avais envie d'en passer. En tout cas, belle thématique originale, t'es allé chercher l'idée assez loin. Donc je passe une petite dédicace à Nico, notre ami Nico, qui apprécie ce genre de son. Donc voilà, donc on va se découvrir ça, une petite sélection. Je vous débrieferai pas les titres des morceaux, parce que beaucoup sont des titres japonais. Et dans tout cas, on vous rappelle que sur le Mixcloud de l'Antichambre, sur le site de l'Antichambre, on trouve toutes les émissions avec toutes les playlists détaillées. Là, ça oui, on s'occupe de vous mettre vraiment toutes les références. Donc voilà, c'est parti, donc restez branchés sur les 105.9 de Radio Les Bords. Un petit back in the days, à l'époque, on va dire, de Récréa 2, du Club Dorothée, je pense, des tout premiers, voilà, donc ça fait bizarre. C'est, hein. C'est parti. J'espère que ça vous a autant plu qu'à Albert, parce que je le voyais, il trépignait sur son siège, il ne s'attendait pas à ça. Bah, je m'y attendais un peu, parce que tu m'avais fait écouter quelques extraits récemment, mais c'est vrai que c'est assez surprenant ce qu'on disait, c'est que souvent quand on regarde ce genre de dessins animés, ou même des films ou des séries, mm-hmm. on s'attache surtout à l'image et à ce qui se dit, et pas forcément à la musique d'ambiance. Or, il y a des vrais, petites perles, là, notamment tu nous as fait écouter 2-3 morceaux qui étaient assez... vraiment excellent, et puis on se sentait transporté parfois dans des batailles spatiales ou des poursuites, voilà, enfin c'était non, très, très belle sélection. Donc je vous rappelle le nom de ces compositeurs, donc pour Cobra on avait Kentaro Haneda, pour le Captain Flame Yuji Ono, et ce nom-là, retenez-le bien, parce que dans les prochaines émissions, donc pour la phase Lupin the Third, vous allez entendre parler quasiment que de lui, car c'est lui qui a vraiment géré tout ça, et puis pour la partie Ulysse 31, donc c'était deux Américains, c'était Denny Crockett et Ike Egan. Voilà, donc on va se dire au revoir, on va se réécouter quelques petits titres, mais alors autre chose, on va rester au Japon, on va rester dans les dessins animés, un autre dessin animé plus récent qui donc s'appelle, ça y est, j'ai déjà perdu le nom, je ne l'ai plus en tête, je sais que c'est une compositrice, donc elle a un groupe qui s'appelle The Seatbelt, donc les ceintures de sécurité, et pareil, c'est très funky, vous allez voir... j'ai perdu le nom du dessin animé, mais bon, ça me reviendra. Donc pareil, dessin animé du Japon. Du Japon, tout à fait, très funky. Non, je pense que c'est plus récent, les années 90. Donc je te laisse conclure l'émission, je retrouve comme ça en même temps le nom, ça me permet de chercher. Donc pour conclure, je vous rappelle que vous étiez sur Radio Les Bords et sur The Groove Factory, la web radio mise en musique par l'Antichambre. On vous donne rendez-vous en podcast sur le site des Les Bords, en podcast et en émission téléchargeable sur le site de l'Antichambre, radio-antichambre.com. Et surtout, on vous donne rendez-vous dans une semaine sur les ondes et sur le web. Voilà, ça m'a permis de retrouver ces Cowboy Bebop. Donc c'est assez connu pour ceux qui connaissent un peu l'animation japonaise et les mangas. Très bien, merci Oncle Ben. Voilà, donc à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Ciao. Stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.